De la fête. Vous n'aurez pas. Jeudi 29 décembre, 21h, les informations, Martial Leblanc. Bonsoir. On vient de l'apprendre, le gouvernement décrète l'état de siège. La réunion exceptionnelle du Conseil des ministres à l'hôtel Matignon vient de s'achever. Ingrid Cornette, vous êtes sur place. Que pouvez-vous nous dire ? Écoutez, Martial, le porte-parole du gouvernement a terminé son intervention il y a quelques instants seulement. Il a donc annoncé, comme on l'attendait, que l'état de siège était décrété dans la capitale et qu'il entrerait en vigueur dès ce soir minuit. Ce qui veut dire en clair que des unités militaires vont prendre position un peu partout dans Paris, notamment sur les axes stratégiques que sont les boulevards de Rochechouart, de la Chapelle, de la Villette, de Belleville, de Ménilmontant, de Charonne, des Maréchaux et de la porte de Clignancourt à la porte de Vincennes. Ainsi que dans tous les quartiers où les RER ont été les plus violents ces derniers jours, c'est-à-dire un peu partout à travers la ville. Voilà pour la principale information de cette intervention. À noter que Jean-François Copé est apparu visiblement contrarié devant les journalistes. Il a tenu des propos très alarmistes, évoquant des heures tragiques pour la France et une situation de chaos. Le sort du pays est maintenant entre les mains du Parlement, qui doit décider dans les jours à venir d'une éventuelle prolongation de l'état de siège. En direct de Matignon, Ingrid Cornette, FPI. Je vous remercie Ingrid, vous étiez donc en direct de l'hôtel Matignon, où le Conseil des ministres vient donc de décréter l'état de siège, une décision sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Nous reprendrons bien entendu l'antenne.